Rebecca aux manettes, Christophe et Francis au micro. C'est Prune de Blues, le meilleur du blues actuel. Tous les premiers mardis du mois, de midi à 14h. Bonjour à tous, bonjour Rebecca aux manettes et bonjour cher Christophe. Bonjour Rebecca, bonjour Francis, bonjour tout le monde. Une heure de blues avant la seconde heure où il y aura notre live, mais nous en parlerons un peu plus tard. Yes. Une heure de découverte. Oui, comme d'habitude, qu'on partage ensemble et généreusement. Et il y en aura pas mal encore une fois. Oui, il y en aura pas mal et puis nous aurons aussi l'occasion de parler au travers de deux morceaux de musique d'une manifestation musicale sur Nantes. Oui, c'est ça. J'ai deux, trois informations à vous donner sur le sujet. Et des bonnes informations, je crois. Allez, on va lancer la musique immédiatement avec Bill Blue. Le bien nommé. Le bien nommé, oui. Ça s'arrête soudainement. Ah ben c'est bien, et puis ça envoie bien l'émission ce truc-là, c'est sympa. Exactement, c'était pour donner de l'énergie. Bill Blue, l'album s'appelle The King of Crazy Town. Alors, j'ai eu le temps de cogiter un petit peu sur ce type-là. Il habite en Floride, mais il a joué avec, il y a longtemps, avec Big Boy Crudup. D'accord. Très très longtemps, mais surtout avec Bonnie Raitt. Et puis il a dû faire ses armes avec d'autres, bien entendu, pour partir maintenant tout seul. Avec ces musiciens, c'est un album qui sort ces jours-ci, le 6 mars 2020. Alors, grand coup de cœur, Christophe. Je ne suis pas certain que tu me rejoignes sur ce coup de cœur, mais ça sera une découverte, bien. Ça commence bien. Mais je sais que notre Rebecca bien-aimé adore aussi. Déjà, il me met la pression. Et vas-y, envoie. Il s'agit du nouvel album de J-Love and Special Sauce. Un groupe plutôt de groove, hein, c'est pas seulement du blues, un groupe alternatif de Philadelphie en Pennsylvanie, un trio qui fête d'ailleurs ses 25 ans de carrière et le style, je viens de le lire, est un mélange de blues, de reggae aussi, de groove et de hip-hop. Là, les références sont assez variées puisqu'on surfe de John Hammond à Bob Marley, de Robert Johnson à Bob Dylan, de Cypress Hill qui est plutôt hardos, Dr. John, The Meters et aussi les Beatles qui est une grande référence pour le groupe J-Love and Special Sauce. Une référence du funk. C'est une référence pour beaucoup de gens de toute façon. Du funk, je disais. On ne savait pas ça. L'album s'appelle Juice, il est sorti le 17 janvier dernier, il a été enregistré à Nashville avec Kev Mo et une foule d'invités dont Robert Randolph, Marcus King et Roosevelt Collier. C'est le titre éponyme de l'album, J-Love and Special Sauce. I got juice! No more lies about this, no more lies about that. No more ace up your sleeves, just lay your cards flat. See how peeps had it rough when the struggle is tough. Bad news on the news every day, it's enough to make good people turn around and leave. How about we march in the street, could we raise our fists in the air? Cause we do care, you say who cares, we do. We got the juice, we got the love, we got the dream. Divided you fall, united we rise. It's been hard to see through all these tears in our eyes. So why do we cry when teardrops they stain? Just like Cass Stevens, we ride a peace train. Oh, let us be real, you must be insane. And your brain, something's wrong, so you cannot remain. We need positive change, we will not regress. Power to the peace, for we must progress. We got the juice, we got the love. Peace of mind. We don't want war. We don't need more guns. We want a better world for our daughters and sons. We got the juice. We got the love. Bon ben voilà, c'est J-Love and Special Sauce, dernière mouture du groupe, sortie il y a très très peu de temps. L'album s'appelle The Juice et c'était le titre éponyme. Oui, ben je voudrais apporter un démenti, je trouve ça très bien. Pourquoi je ne devais pas trouver ça bien? Bon, c'était juste pour t'asticoter. Moi, je pensais que tu allais me sortir un truc de blues rock absolument terrible. Là, bon, je n'en passe pas tant que ça quand même. Et non, c'est vachement bien ça. Oui. Et tout le disque est comme ça, d'ailleurs. C'est bien le J-Love et Special Sauce, ouais, en général. Absolument. Mm. Je dirais même que c'est de luxe. Oui, c'est ça. Quelle transition. Puisque justement, nous allons continuer dans le luxe avec nos amis nantais des Deluxe Presidents. Voilà, alors ça c'est bien parce qu'on les a vus quand même un certain nombre de fois en concert, ces gens-là. On les a reçus à Prune de Blues Live et c'est vrai, on se disait, mais quand est-ce qu'ils auront un support CD, enfin disque, pour qu'on puisse continuer ce plaisir-là à la maison? Et c'est fait. J'étais l'autre jour, je me souviens plus de la date, c'était en janvier, je crois, au Café Le Centre à Saint-Nazaire, enfin Saint-Mars-sur-Mer très précisément. Et donc, il y avait leur release party. Et j'ai pu avoir ce disque-là. Et le concert était super, comme d'habitude. Et le groupe est vraiment en forme. Et c'est bien parce qu'on retrouve justement cet engouement qu'ils peuvent générer sur scène. On le retrouve tout à fait sur disque. Ça a été enregistré et produit par Arnaud Gobin, des Barroom Preachers et d'autres groupes aussi. Donc, on connaît tout pareil. On l'a reçu pareil dans Prune de Blues Live. Donc, on va écouter un morceau, une reprise de Arthur Alexander, qui est un pilier en général de leur concert. The Girl That Radiated That Charm, Deluxe Presidents. Vous êtes sur Prune de Blues, le goût du blues dans les oreilles. Says one thing, then he does the next. He reads the script, you can guess the rest. Words they are well prepared, but his tongue starts wagging and he don't care. Ain't hard, baby, try to understand. There ain't no big shot, he's a flim flam man. When the world's crashing down and your house is on fire, there's a bat or a king, he's a chief denier. Sits around tweeting out his gold-plated throne. But one day, baby, he'll be all alone. It ain't hard, baby, try to understand. It ain't no big shot, he's a flim-flam man. We'll be right back. got a good job of shoveling corn. He's gonna leave you stranded by the side of the road. And if you're in search of a different man, you get a real shifty cat with a bushy mustache. Big shot, he's a flim flam man. Voilà un bel harmoniciste, et je dois dire qu'après l'harmonica de Christophe, qu'on a le droit parfois dans l'émission de Prune de Blues, c'est peut-être le second grand harmoniciste du blues, Marc Hamel. Il y a une qualité que tu n'as peut-être pas deviné chez moi, c'est la modestie. Je me garderai bien de jouer de l'harmonica dans l'émission. Il s'appelle Marc Hamel. Tu le connais bien, Christophe, bien oui, sûr. J'ai le plaisir de l'interviewer en ce moment et ça paraîtra dans le prochain Soul Bag. On aura un numéro spécial harmonica avec des choses sur Little Walter, Marc Hamel, Billy Branch, enfin tout un tas de trucs. Et bien voilà, justement. D'ailleurs, il est plutôt généralement identifié comme jouant du blues de la côte ouest, mais il sait faire aussi un bon Chicago blues old school. Mais il joue là. Tout, Marc Hamel. C'est tout, un de ces harmonicistes de folie qui savent tout jouer. Il est basé sur la côte ouest, c'est vrai. Il a beaucoup appris là-bas, mais c'est un sacré disciple de Little Walter. Et sur le disque dont tu as extrait un titre là, qui s'appelle Wayback Machine, donc la machine à remonter le temps, on va dire. Donc il commence par des morceaux, allez, on va dire des années 50, et puis il remonte assez loin jusque dans les années 30. Il y a des morceaux de Jazz Gillum et des choses comme ça dessus. Et puis les percussions, ça commence à ressembler à ce qui se faisait dans les groupes de Memphis, etc. Enfin voilà, il sait tout faire. Les morceaux qu'il reprend de Jazz Gillum sur ce disque-là, t'as même pas besoin de regarder la pochette pour savoir lesquels c'est, quoi. Ça s'entend tout de suite. Il est très très fort. Il est fort, il est bien accompagné parce que sur cet album, dont le titre, il y a qui dans Wayback Machine, à la basse. Rusty Zinn, Billy Flynn, Kid Anderson. Oui, à la basse, pour le coup. Oui. Il ne joue pas de guitare sur ce disque-là. Bon, voilà. Et c'est produit dans le studio de Kid Anderson, qui est vraiment the place to be parce que tout le monde y va ces derniers temps. Il s'appelle Marc Hamel. Et Christophe, tu vas nous parler aussi d'une belle manifestation qui aura lieu début avril sur Nantes, au Ferrailleur, avec du beau monde qu'on mettra en musique. Et l'harmonica peut servir à faire le lien aussi. Donc, ce sera la deuxième édition du concert Yeah, Nantes, You Got Soul. Donc, vous vous souvenez, l'année dernière, c'était le 28 mars, si je me souviens bien, avec l'hommage à Aretha Franklin et puis Guy King en deuxième partie. Donc on remet ça cette année. Pour rappel, l'année dernière, ça a été complet, le concert, ça a été vraiment un beau succès. Et le 2 avril, donc nous aurons Yeah, Nantes, You Got Soul numéro 2, avec en première partie Victor Puertas et Max Genouel, et en deuxième partie, Whitney Shea, accompagné de Nico Duportal and Friends. Voilà. Beau monde, hein, normalement, j'ai pas besoin d'en dire plus. on sait tout de suite que ça va être une belle soirée. Mais oui, ça va être une belle soirée. Victor Puertas et Max Genouel sont sur le point de sortir un disque ensemble. On peut participer au financement du disque, d'ailleurs, si on veut. C'est ouvert en ligne. Et puis, il y a des dates qui sont annoncées. Ils joueront quelques dates avant de venir ici à Nantes. Ils joueront notamment pour une soirée sous le bac, hein, d'ailleurs, je le précise. Et puis, je pense qu'ils passent à Thouars aussi. Voilà, et on les aura. Alors, Victor, harmoniciste, excellent harmoniciste, réputé comme étant le meilleur harmoniciste du monde en ce moment. Hein, c'est Jerry Portnoy qui a dit ça. Il est quelle origine, d'ailleurs ? Il est espagnol. Claviériste aussi, très très bon claviériste, orgue et piano. On l'a vu tourner avec un certain nombre de personnes. Et puis, Max Genouel, valeur montante de... On va dire du blues et puis des musiques affiliées. Hein, donc, on connaît bien à Nantes avec Max et les Freaky Buds, Malted Milk. Il joue aussi avec Roy Thompson and the Mellow Kings. C'est un groupe du sud de la France qui est très, très bien. Il tourne avec Sax Gordon Biddle. Enfin, voilà. Et il a tourné avec Whitney Shea déjà et Fabrice Bessois. Alors, on en parlera tout à l'heure si tu veux. On va peut-être écouter justement Victor Puertas et Max Genouel. On va commencer par les deux. Oui, oui. Alors, on va écouter un morceau de ce disque-là. qui est plutôt orienté blues, mais sachez que sur le disque, il y a aussi des morceaux de soul et des choses comme ça. Il y a des morceaux où Victor est au clavier, mais pas à l'harmonica. Il y a des morceaux où c'est Max qui chante. C'est un superbe disque. Voilà, là encore un morceau qui se termine brusquement. Oui, ça sonne très bien. Il y a de très belles vidéos en ligne, tu sais, où ils sont à la parquetterie, là, qui a l'air d'être un très très beau lieu. Oui. Et les vidéos sont super bien tournées. Enfin, ils sont là, hein, dans une ambiance live en studio. C'est assez chouette. Oui, voilà. Tu l'as bien dit. Oui, puis on va parler de Whitney Shea après. Mais voilà, donc, rappelons quand même ce dont on parle. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire en fait. Merci Francis. oui, donc on parle de Nantes, de Yeah, Nantes, You Got Soul, édition numéro 2. Le 2 avril, ça sera au Ferrailleur à partir de 20h. La billetterie est ouverte hein, d'ores et déjà. Et je peux vous dire que ça part déjà, les billets. Il y aura 300 places hein, à peu près, hein, je pense. Ça doit être ça. Donc, la billetterie est ouverte sur WizEvent ou sur Digitik. Et puis, on peut trouver la page événement sur Facebook. Hein, Yeah, Nantes, You Got Soul. Une affiche conçue par, devinez qui, Si. Notre Rebecca à nous. Une affiche qui est dans la continuité de celle de l'année dernière. Bravo Rebecca, parce que l'affiche reste belle, super graphisme, etc. C'est très chouette. On a un beau flyer encore aussi cette année, donc le 2 avril, au Ferrailleur, à Nantes, avec Victor Puertas et Max Genouel en première partie. Oui, parce qu'il y aura d'autres gens encore. Et donc la chanteuse Whitney Shea en deuxième partie, en vedette et accompagnée par Nico Duportal and Friends, avec des gens de son groupe actuel, d'autres gens qu'on connaît bien, etc. Elle a une belle actualité, cette fille, oui, en ce moment. Oui, Whitney Shea, c'est ce que, là aussi, je voulais en parler, qui a sorti un formidable premier disque, c'était, je ne sais plus, fin 2018 ou quelque part début 2019, avec pas mal de monde dessus, dont notre ami Sax Gordon, et elle vient de sortir un deuxième disque qui est très très bon. Là, pareil, avec des invités prestigieux, tu as la liste sous les yeux, tu pourras nous en citer quelques-uns. Et elle va aussi être une des vedettes de la tournée Ruff, organisée par Ruff Records, la Blues Caravan 2020. Whitney Shea y sera en vedette avec Jeremiah Johnson et Ryan Perry. Et Ryan Perry. Donc ça, là aussi, je pense que ce sera quelque chose à ne pas manquer. Ces tournées sont toujours intéressantes. Elle le sera particulièrement cette année avec Whitney Shea. On ne peut pas dire que sur son nouvel album, il y a énormément de gens connus, sinon ces musiciens peut-être habituels, mais on notera quand même Laura Chavez. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'allais dire, cite-moi le nom quand même de la guitariste. Il y a Laura Chavez. Ouais. Et je rajouterais aussi qu'il y a Marcia Ball. Voilà, tout simplement. Guy Forsythe. Juste, il n'y a pas grand monde, nous disait-il. Il y a juste Laura Chavez, Marcia Ball et Guy Forsythe. Donc, c'est une fort jolie dame d'ailleurs. Oui, voilà. On envoie le morceau, on écoute Stand Up, donc Mettez-vous debout, c'est le titre du disque aussi, Whitney Shea. And now it beat us down. Stand up when you know what's wrong. You tried to play it safe and sound. Gonna miss me when I'm gone. Come on, stand up when you know what's wrong. You know you better stand up. Trust and consideration and never ask for more. We both know how hot it is to find something worth fighting for. Now we're stepping on the shadows thickies. Prune de blues, le meilleur du blues. Ain't that bird a coming down that road? She walks like Birda, she wants you so. She wants you so, babe, she wants you so. She walks like Birda, she wants you so. Elle se nomme Dalva, mais c'est son nom de scène, son vrai nom est Camille Will, et elle fait une sorte de blues urbain entre groove et pop blues, je ne sais pas quelle étiquette on peut lui coller. En tout cas, elle raconte toujours l'histoire des Afro-Américains, des Amérindiens, donc à travers celle du blues, des sans-racines. Elle gratte le banjo elle-même, et elle sort cet album qui s'appelle Rail, Rail. Et bon voilà, c'est une découverte tout simplement, ça ne va pas plus loin, n'est-ce pas Christophe? Je ne dirai rien là cette fois-ci, voilà. Il s'est tu. Il ne se taira peut-être pas pour le suivant, Frank Bay. Ah non. Voilà, Frank Bay sur un label... Sauf d'admiration, mais j'aime beaucoup Frank Bay, quelle voix. Sur un label Nola Blue Record. En tout cas, cet album, c'est son tout dernier, c'est un vétéran hein, du blues et de la soul aussi. C'est pas le label de Nick Moss? Je cherche. Voilà, cherche. L'album s'appelle All My Dues Are Paid. Et c'est enregistré Graceland Studio à Saint-José avec Rick Estrin et Kid Anderson. Encore un. Et voilà, Kid Anderson qu'on retrouve aussi sur l'album d'ailleurs. Frank Bay. Ah oui, non, Nola Blue, c'est le label de Benny Turner. Tu sais qu'il doit être plus ou moins lié à Freddie King, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça. Frank Bay qui tourne d'ailleurs, qui va tourner l'été prochain, juin, juillet, août, en Europe, puisqu'on nous l'a proposé d'ailleurs pour Cahors, mais on ne l'a pas pris. Mais c'est un retour finalement pour ce Frank Bay. C'est son sixième album dont on va écouter un titre. Le titre, c'est Calling All Foods. Thank you. calling all fools, calling all fools like me. I'm calling all fools, calling all fools like me. If you've ever been a sucker, you've got company. Say your heart's been broke, me too. Say you lost that love, come on, join the club. I'm calling all fools, calling all fools like me. If you've ever been a sucker, you've got company. See, it just ain't fair. Who cares? Quit your crying. Come on and get in line. I'm calling all fools, calling all fools like me. If you've ever been a sucker, brother, you've got company. Frank Bay, dans ses dernières œuvres, l'album s'appelle All My Dues Are Paid. Ça va un petit côté quand même très soul, rhythm and blues, presque oui, jazz. Oui, hein. De toute façon, il a une voix pour ça. Frank Bay, c'est un chanteur d'orchestre, on va dire ça comme ça. Oui, ça sent bien l'orchestre. Il a une voix pour faire ça. Je signale, il y a un autre chanteur qu'on a déjà écouté dans Prune de Blues, John Blues Boyd, qui sort un nouveau disque et qui a une voix dans le même registre. Donc moi j'apprécie beaucoup c'est cette école des grands chanteurs où t'as pas d'exagération, il y a pas de théâtralisation, mais ça reste très blues, quoi. Très prenant. C'est des voix commanding voice, on le dirait en anglais. Oh. Ouais, il a fait des bons disques avec Anthony Paul aussi. Moi c'est comme ça que je l'ai découvert, Frank Bay. Anthony Paul. Il y avait une version de You Don't Know Nothing About Love sur ce disque là. Oh là là, ça m'a complètement converti. Voilà, en tout cas, c'est un bel artiste, Frank Bay. On va changer de secteur, peut-être descendre sur la Louisiane, je crois. Sans doute. Avec un type qui s'appelle, alors, Tascru, je ne sais pas exactement comment on dit. Je ne sais pas, non plus. Toi non plus. Prononçons le français, Tascru. C'est son 9e album. Alors, il parle aussi souvent de nourriture, d'ailleurs, dans ses albums. Je ne sais pas trop si c'est le cas pour celui celui-ci. Neuvième album qui s'appelle Drive On, donc c'est plutôt quelque chose qui bouge. En tout cas, qui se conduit, on peut le dire. C'est son second album chez le label, sur le label Subcat Records, qui lui est à Memphis, donc pas très loin, tout compte fait. Il y a 10 morceaux, tous des compositions. Et puis, il y a du saxophone. C'est souvent un mélange de styles aussi tascru, puisque tu dis que c'est plutôt tascru qu'on dit. Oui. Toujours un mélange entre le groove de la Louisiane, parfois un peu cajun, et puis parfois blues et rhythm and blues. Tu le connais bien, tascru, non ? Non, pas trop. Je connais le nom. Je pense que j'ai des choses de lui dans la discothèque, mais je t'avoue que rien ne me remonte à l'esprit. Donc, c'est très bien d'en passer un morceau maintenant. Eh bien, on va justement écouter ce tout dernier album. Le morceau que j'ai choisi s'appelle That Loving Thong et l'album Drive On. About that one sure thing nobody lives without. Yes, it's finer than a shiny diamond ring, worth a whole lot more than your pocket stuffed with green. I think some now might know what I mean. Talking about that loving thing, loving thing. You had some once, you're gonna want it twice. Comes at a cost, but it's well worth the price. Not your money, crazy as that seems. Have to pay with all your every hope and dream. Could bring you down to your bended knee. Just begging for that loving thing, loving thing. Prune de blues, le goût du blues dans les oreilles. Alors, il s'appelle d'un nom imprononçable, bah, puisqu'il est norvégien, parce qu'il y a des... On va le prononcer à notre façon. Hakenhoy. Ouais, je dirais Eken, je crois que le A avec le petit rond au-dessus. D'accord, voilà. Hakenhoy. Et le O est barré, je ne sais pas du tout comment on prononce ça. Et c'est quelqu'un qu'on aime tous les deux, finalement. Oui, le disque est très très bien. Il y a un morceau dans le style de celui que tu viens de passer, il y a des choses plus soul. Enfin, il y a une espèce de rock'n'roll aussi à un moment. C'est un très très bon disque. Très très bon disque. C'est quelqu'un qui a du pédigré en plus. Oui, je crois. Il joue avec Ventus Blues Band, enfin avec alors, un certain non, nombre lui de gens. N'a pas joué dans le Ventus Blues Band, mais. Avec Sven Zetterberg. Ses musiciens. Aussi, non, il a des musiciens qui font partie du groupe de Sven Zetterberg, un type que j'adore aussi, et un autre qui fait partie du Ventus Blues Band. Voilà, le nom était bon, mais. C'est ça, pas tout à fait. Exactement. Mais il y a une très belle scène en Scandinavie, de toute façon. Dans les pays nordiques, oui, tout à fait. Ouais. Puis il y a des festivals du Feu de Dieu aussi. Ça vaut le coup d'habiter dans l'Est de la France quand on peut, ou dans le Nord. Oui, dans l'Est de la France. Oui, bah parce que tu peux monter là, par le Luxembourg, déjà, il y a pas mal de concerts, notamment au mois de juillet, puis ensuite, tu passes en Belgique et tu montes tranquillement. Enfin, tout à fait, mais lui est norvégien. Hein, oui, c'est ça. D'accord. Il faut vraiment monter faut au Nord. Okay. L'album s'appelle Nights at the Surf Motel. Je parlais des festivals qu'il y avait dans les pays nordiques, comme Moulin fait. Blues, enfin des choses comme ça. Il y a des super beaux trucs. Notodden et d'autres. Mm. Tout à fait, tu as raison. Aucun Oys, et nous revenons à des choses après la Norvège, on va redescendre un peu dans le sud-ouest parce que je crois que la personne dont on parle juste après est plutôt de Bordeaux. C'est Lucky Pepper, donc Geoffrey Lucky Pepper et les Santa Fellas. Il me semble qu'on en a parlé une fois quand on avait évoqué les concerts de culture barbare parce qu'ils passaient au Buck Mulligans, le vendredi soir, et moi j'avais beaucoup apprécié. C'est un groupe, un trio sympa, donc avec Geoffrey en vedette, qui joue de la guitare et qui joue de l'harmonica aussi, et puis qui chante très très bien. Et ils ont sorti un disque il n'y a pas si longtemps que ça, et la pochette a été faite par... Oh, je ne sais pas, allez, laisse-moi deviner. Par Rebecca. La pochette est assez cool, elle a un petit côté From the Outer Space, enfin voilà. Et le disque est plus que cool, je dirais. J'aime vraiment beaucoup ce disque. J'avais adoré sur scène. Dès qu'ils repasseront à Nantes, j'irai, ça c'est certain. Et le disque, il s'appelle Rock'n'Roll Attack. Donc un peu comme Mars Attacks, d'ailleurs, si on regarde la pochette. Donc le Rock'n'Roll Attack, et ça c'est une bonne idée. Et donc justement, il dévide une douzaine de morceaux assez speed, avec une énergie un peu rock'n'roll, un peu punk, mais en dessous de ça, t'as du blues, t'as un peu de tout. Sur scène notamment, ils reprennent pas mal de choses de rock'n'roll noir et trucs comme ça. Et donc on va écouter, ça doit être le premier morceau du disque, qui s'appelle « What a crazy look ». Quel look d'enfer tu as, Francis ? Ah oui, mais je le vois d'ici, le look. Like a flame. What a crazy look. I wanna know all about it. Je suis très essoufflé, Christophe, parce que je viens de danser le rock'n'roll qui m'a attaqué. Quand même, ça donne. Avec Rebecca, et c'est évidemment, Rebecca a du mal maintenant à retrouver les potards. Hein. Ils avaient été très sympas au Buck Mulligan's parce qu'ils avaient envoyé comme ça pas loin de 2h30 d'affilée. Parce qu'il est de coutume que les groupes fassent une pause. Et Geoffrey avait dit « Oh là là, vous avez l'air de bien vous amuser, donc on ne va pas faire de pause, parce que si vous faites des pauses, si on fait une pause, vous allez partir, on devra reprendre après. » Donc ils avaient déroulé tout du long. Et ça avait été super. Et les propriétaires du Buck Mulligan's avaient été très contents. Donc j'espère qu'ils les feront revenir, parce que c'est un super groupe. Et je vous disais qu'ils jouaient de l'armo, on l'entend sur ce morceau-là. Et encore une fois, il y a une chouette pochette. Vraiment sympa. Alors avant de nous quitter, et surtout d'annoncer, nous quitter provisoirement et d'annoncer le live chez Hurricane Music, allez, on va peut-être aller pas si loin de Bordeaux, du côté de Limoges, hein, par là. Oui, alors c'est pas tout à fait à côté de Bordeaux. C'est quand même pas tout à fait à côté, mais Limoges, c'est une chouette ville avec sa magnifique gare et le magnifique beffroi de la gare de Limoges. Et puis c'est le fief d'un groupe, alors là, pour le coup, qui existe depuis longtemps. Ouais. Un groupe vétéran de la scène blues française. Avec beaucoup de formules différentes, voilà. D'ailleurs. Bourbon, on parle de Bourbon Street, donc où il y a effectivement une formule en quatuor ou un peu plus électrique, qui, quand ils s'y mettent, ils sont vraiment forts, avec une bonne tendance West Side dans leur blues. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et puis, la formule acoustique, donc en duo, avec toujours Eric Vachera au chant et à la guitare, et son fidèle guitariste en second. Et là, le morceau qu'on va écouter, c'est dans cette formule-là, c'est un nouveau disque donc, qui sort cette année, qui s'appelle Stop and Listen, donc arrêtez-vous et écoutez un peu. Et ils ont raison, parce qu'il faut s'arrêter et écouter ça. On va écouter un morceau qui s'appelle City of Lights, où ils ne sont pas deux, mais trois, puisqu'il y a un harmoniciste qui s'appelle Laurent Cagnon et que je trouve très très intéressant. Voilà, donc nos amis de Bourbon Street, City of Lights. Let's go down to the city. Let's go down, my sweet friend. It's gonna be fine, you see. City of Light, play the game, have fun night. I've seen. See the love lines. Let's go wide another night. Oh, see the I've seen. Your city of lights. Play the game. And I found a night. Voilà, c'est typiquement le genre de son qui délasse. Qui est slidé, reposant. Et c'est pas mal de se délasser avant ce qu'on va proposer à nos auditeurs. Maintenant. En effet, puisqu'on termine cette première heure en studio. Yes. Grâce à la technique de notre amie Rebecca. Yes. Et puis, nous allons passer à la seconde heure qui, elle, est réalisée chez Rican Music à Vertou. Oui. Immense magasin de musique. Voilà. Plein de... The Place to Be. The Place to Be, oui, avec plein d'instruments naturellement, mais avec le mur, le premier mur Fender, je crois. Non, de... Martin. Martin. Guitare et Fender, Martin. Il a un mur très impressionnant. Oui, et très il l'a agrandi, Fender, oui. Voilà. Il l'a agrandi. Bref, c'est là que nous faisons notre seconde heure en live et en public. Yes. Et cette fois-ci, Christophe, ça sera avec un groupe. Tu as parlé tout à l'heure de Deluxe Président. Il y en a peut-être voilà, un qu'on va retrouver dans ce groupe. Un trio nantais qui s'appelle The Low Kings, dont le chanteur est Fred Le Baron, qui est aussi le chanteur-guitariste des Deluxe Présidents. Donc là, on retrouve Fred au chant et à la guitare, avec Ronan Le Ludu à la deuxième guitare et Cyril Durand à la batterie. Voilà, j'allais donner un mauvais nom, mais Cyril, je voulais t'honorer en te donnant ton vrai nom du premier coup. Voilà, super, voilà. Super trio de ce qu'ils appellent House Rocking Music, et on a House Rocké, ça c'est certain. Exactement, avec eux. Donc vous allez en profiter pendant une heure avec des interviews débridées, enfin voilà, des scoops, des tas de trucs. Écoutez ça, vous allez voir. Et nous on se retrouve eh bien, le mois prochain pour toujours une heure de studio et une heure de live. Yes. Merci Rebecca à la technique, merci Christophe. Au revoir à tous. Salut à tous. Vous êtes sur Prune de Blues, le goût du blues dans les oreilles. Bonsoir à tous. C'est chaud chez Rican Music. Bienvenue dans Prune de Blues en live et en public. Ouais, ouais. Avec ce soir, un trio qu'on aime beaucoup à Nantes. Exactement, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous présenter The Low Kings. Ce sont peut-être des rois, mais surtout un groupe de blues originaire de Nantes. Et oui, Christophe, encore, direz-vous, un groupe de Nantes, mais la ville est si pleine de talents. Oui, mais c'en est un sans Thomas Troussier, celui-là. Ouf, enfin. Nantes est la plaque du blues, la plaque tournante de blues depuis longtemps, avec des groupes qui prennent des formes et d'autres, des musiciens qui se rassemblent, qui se quittent, qui se retrouvent, et les Low Kings en sont la preuve. Entre blues traditionnel, boogie-woogie et rock'n'roll, ils appellent ça même house rockin' music, voici Ronan Le Huludu à la guitare, Cyril Durand à la batterie, et Fred Le Baron au chant et à l'autre guitare, les Low Kings. À vous, messieurs. I miss you so every time I stars I dream away. And the neon spacious stars lit the sky up and up a little darling. Follow me when I go. Let the sky up and let the good time roll. Merci beaucoup. We'll be right back. The Low Kings sur la scène de Prune de Blues. On va demander à Fred Le Baron de venir nous voir. J'en profite pour remercier Hurricane Music, Caroline et John qui nous accueillent à chaque séance de Prune de Blues. Et Jacques aussi. Et Jacques au à son. La technique. Arnaud, naturellement, à la technique. Arnaud Fredin qui mixe aussi l'émission. Ensuite, parce qu'il n'a pas fini. Après, il passe des nuits à mixer l'émission. Patrick à la vidéo. Et Patrick à la vidéo qui nous fait de belles captations. Merci Patrick. Tu es toujours fidèle au poste. Alors Fred, on t'a reçu ici il y a quelques mois, bonsoir. Déjà peut-être même une année ou deux avec les Deluxe présidents. Là, tu réapparais avec les Low Kings. Est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse de ce groupe ? La jeunesse ou la genèse ? La jeunesse, on n'était plus là. On avait dit que tu commençais pas tout de suite. La genèse, c'était l'envie de jouer avec des copains, des amis que je voyais pas suffisamment. Donc, il a fallu créer les moments de rencontre. Donc, on s'est dit, tiens, on va se faire un groupe. Tu n'as pas peur que le fait de jouer avec eux soit maintenant déterminant pour la fin de votre histoire ? C'est terminé, là, ça termine ce soir. En fait, c'est pour ça qu'on voulait avoir une captation. Non, j'ai pas. Ça va, ça se passe bien. Alors, le style que vous avez choisi est assez large, hein, finalement, parce qu'il y a du blues. C'est tout ce qu'on a envie de jouer. Il y a de la country music, on l'entendra peut-être. Et puis, il y a ce morceau, par exemple, de Paul Kosaladani. Ouais, de Tony Joe White, ouais. Pourquoi tu doutes sur un morceau ? Non, tu me posais la question si on jouait de la country ce soir, je te dis non. Non, donc il n'y aura pas de country music ce soir. Pourquoi cette reprise, justement, de Paul Kosaladani ? Parce que je la connais depuis que je suis tout petit et que. Voilà, j'ai envie de la jouer. Oui, mais c'est une version. Ça s'arrête là, c'est juste parce qu'on a envie de jouer des morceaux. Non, ça ne s'arrête pas là, parce que moi j'ai bien aimé cette version. D'accord, ok. Qui est peut-être un petit peu moins laid-back que celle de Tony Joe White. Et White. White, oui, j'ai dit White. White. Personnellement, j'ai bien aimé. Hein. Ok, merci. Faudra la refaire. Il y a eu un morceau. C'est prévu, on va la refaire trois fois. Le morceau précédent est de J.D. McPherson, c'est plus récent. C'est ça, ouais. Mais pour la même raison, on avait envie de la jouer. Je suis désolé, c'est tout ce que je vais répondre. D'habitude, on t'arrête pas, mais ce soir, c'est oui, non. En vrai, oui, on essaie aussi de trouver des morceaux qui puissent à peu près sonner à trois. Quoi. Parce qu'on a tous l'habitude de jouer avec une basse, par exemple. Oui. Et là, il n'y en a pas, donc c'est un peu... Ça, c'est une remarque, effectivement, qu'on fait tout de suite. Il y a des choses qui nous manquent des fois dans l'oreille. Il n'y a pas de basse dans le groupe, effectivement. Les deux guitares jouent dans un registre de guitare. D'ailleurs, il n'y en a pas une qui essaie de faire la basse à la place de l'autre. Non, peut-être ça viendra, mais là, pour l'instant, non. D'accord. Alors, vous puisez dans le répertoire des trois musiciens ou principalement dans le tien ? Ah non. Tu imposes le premier morceau, par exemple, c'est Cyril qui l'avait proposé. Et tout le reste, c'est moi. Donc, j'en laisse un morceau. Non, je plaisante. Non, c'est à l'envie. Ouais. Tu leur demandes ce qu'ils veulent et tu décides finalement ce que tu veux. C'est ça, ils me proposent. Ça s'appelle la démocratie. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Alors, Melting Pot, on a dit tout à l'heure, Melting Pot musical, parce que tu joues, toi, quand même principalement du blues, mais tes références donc sont plus larges. Oui, bien sûr. Est-ce que vous cherchez aussi un peu à, comment dire, à élargir un petit peu le spectre musical par les arrangements, par... Non, les arrangements... Il y en a. Je viens du blues, donc les arrangements, c'est pas... Je sais même pas comment ça s'écrit, en fait. Donc non, on n'est pas... Quoi, les morceaux ou le mot arrangement? Non, le mot arrangement. on se cherche pas à se créer un style. Sauf qu'il y a certains morceaux que vous prenez qui, à l'origine, étaient joués par des groupes un peu plus étoffés. Ouais. Là, vous avez une formule à trois. Enfin, est-ce qu'il y a justement une façon particulière de jouer ça? Ou est-ce que c'est juste qu'il n'y a pas de basse et vous jouez exactement... Non, je crois que... Enfin, pour ma part... Je pense que c'est valable aussi pour Ronan. On joue comme on sait faire et puis on écoute, on regarde ce que ça nous convient. Si ça nous convient, on garde. Si ça ne nous convient pas, on ne garde pas. Surtout que comme je joue en même temps que je chante, j'ai du mal à faire les deux déjà. Donc si en plus il faut que je complexifie mon jeu, je sais que j'y arriverai pas. Donc Ronan, il fait ce qu'il peut. Mais, voilà. Il peut peu. Mais il a du mal des fois à subvenir à mes faiblesses. Donc c'est pour ça que je disais essentiellement. On fait comme on peut, puis on voit si ça sert. On demandera ton avis après, voilà. Ronan. Je pense que vous viendrez un peu raconter votre vie. Contre-avis quand même. Tout à l'heure, quand même, hein, en deuxième partie. Alors, dans tous les titres que vous allez jouer, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Donc, on a vu là quand même un petit rock'n'roll, le premier. Ouais. Paul Kosaladani, je vais arriver à le dire. Et mais il y a aussi des morceaux de Hound Dog Taylor. Oui. C'est une référence de qui, de toi, ça? Je ne sais plus. Si, enfin, c'est une référence qu'on partage, mais c'est Ronan. Oui, c'est Ronan qui l'a proposé. Mais c'est moi qui l'ai validé, quand même. Non, non, c'est Ronan qui l'a proposé. Bon, ouais. J'allais demander si tu avais le sixième doigt comme, comme lui-même. Ne me lance pas sur ce sujet, s'il te plaît. Taylor qui avait un sixième doigt on lui à a coupé, la main. Oui, c'est ça. Ronan dit qu'on l'a coupé, celui de Fred. Exactement, oui. Et puis, qu'est-ce que je vois encore? Alors, les autres, il y a Kokomo King. C'est encore un autre style. Ouais, c'est des trucs assez récents. Hein, ça, les morceaux qu'on prend, ça moins de 4 ans, je crois. Donc, oui. Donc on est ouvert. C'est pas juste des morceaux qu'on a envie de jouer depuis longtemps. Donc, si j'ai bien compris, c'est un groupe pour vous faire plaisir. Ouais. C'est un groupe sans arrangement. Bah, un groupe avec lequel vous jouez quand même dans des lieux, quand même. Vous faites des concerts, vous ne venez pas qu'à Brune de Blues. Ouais, on joue à Nantes dans le salon de Cyril, on joue à Saint-Nazaire dans mon dans salon. Dans la cuisine. Ouais, on joue dans les endroits, ouais. On commence à finaliser le répertoire complet. Donc, on va pouvoir cette année chercher un peu plus de dates que ce qu'on a fait. On en a fait quelques-unes, mais c'était pas. On construisait un peu le répertoire. Donc. En plus, il n'y a pas de disque, que ce soit un EP ou un album. Non. Il y a eu un 78 tours, mais il est tourillé. Ouais, on peut plus le trouver. Non, mais si vous faites autant de disques que les Deluxe Présidents, ça va le faire aussi. Mais je crois que le groupe est dissous, non? Bon, alors je crois que le mieux, c'est de vous écouter. Oui. C'est toi qui le dis, ok. Donc on va vous retrouver pour 3 titres sur la scène de Prune de Blues. The Low Kings, avec 3 morceaux. Bottle Up and Go, Sing and Sing Fires et Say Day. Devil with his legs sticking up. You gotta, bottle up and go. You gotta bottle up and go, baby. When you're high price woman, you gotta bottle up and go. Well, the demon is in the dive. A house full of kissing, and I just can't get by. You gotta bottle up and go. You gotta move, move, move. You gotta move from here. Well, you may be old, you may be young, but you ain't too old just to get them cheer. You gotta bottle up and go. You gotta bottle up and go. Thank you. too old just to get caps. Yeah, you got a bottle of bingo. Yeah, you gotta move. Bottle up and go. Merci beaucoup, c'est un morceau de Johnny Hooker. I got signs and signifies, gossipers. What looks like a raging fire is my dream and desire, ending up like ashes on the ground. If you can't send me a chance to follow through our dance, then the other woman just me fast along. Merci beaucoup. Sign and signify. On va faire un morceau de Hound Dog Taylor. Oh, Sadie, would you'll come back home tonight. Oh, my Sally, will you come back home tonight? Yeah, I love you, and you know I'm gonna treat you right. You don't love me, then why don't you tell me so? Oh, you don't love me, oh, why don't you tell me so? Somebody gotta let you go. Well, I call her, yes, I call her on the phone. I call her, well, I call her on the phone. Some may tell me, ah, she's not at home. Yeah, I got it, and I roll out to the door. Well, I got it, and I roll out to her door. She told me, baby, I can't use you no more, and that ain't right. Merci beaucoup. The Low Kings. On va parler cette fois-ci avec les deux acolytes de Fred. J'ai dit acolyte. Non, j'ai dit acolyte. En fait, après avoir entendu la version despotique, hégémonique de Fred pour raconter l'histoire du groupe, on voudrait avoir votre version quand même. Comment est-ce que le groupe s'est créé selon vous? En fait, c'est une création assez récente. Ça fait très longtemps qu'on se connaît les uns et les autres. Et avec Fred, d'abord, ça fait longtemps, tous les deux, qu'on a envie de faire quelque chose ensemble, mais sans trop savoir comment nous y prendre. Et puis, un jour, Fred m'a rappelé, il veut dire, bon, ce serait bien qu'on s'y mette vraiment pour de bon. Et je connais quelqu'un que tu connais aussi, il s'appelle Ronan, c'est un garçon très sympathique. Et on va pouvoir faire des belles choses ensemble. C'est le jeune homme qui est entre nous deux, c'est ça ? Et on s'est dit, on va commencer comme ça, et avec une formule un peu atypique, puisque dans ce répertoire-là, en général, c'est vrai, on est accompagné d'un bassiste. Et on a voulu tenter l'aventure, comme on dit, à trois de cette manière-là. Ça nous oblige à aborder les morceaux d'une manière un peu différente que traditionnellement dans d'autres formations, comme on le fait les uns alors les autres. Justement, ça veut dire quoi ? Donc s'il n'y a pas de basse, il y a plus de rythmique, on joue sur des tonalités différentes entre les deux guitares ? Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Ben là, justement, sur le dernier, sur Sadie, là, on a collé un peu à ce que faisait Andoc Taylor. Donc il jouait avec un deuxième guitariste. Pas de basse. Mmh. Et du coup, on a essayé de faire la même chose. On se dit que ça rend pas trop mal finalement, donc j'utilise des effets quand il faut que je fasse les basses, un truc qui tourne un peu pour prendre un peu plus d'ampleur. Et puis, comme disait Fred, il fait ce qu'il peut derrière, quoi. Et de la même façon, toi Cyril, il faut que tu joues de la batterie différemment que si tu étais dans un groupe complet ? Un peu différemment, c'est une autre façon d'occuper l'espace, même si ça reste la même base musicale, c'est quand même une façon un peu différente de jouer, me semble-t-il, même si... c'est peut-être à peine perceptible, mais c'est différent que de jouer avec un bassiste. Même si Ronan occupe une place importante, il adapte son jeu. Tout le monde s'adapte, en fait, pour compenser cette absence de bassiste. Voilà. Oui, mais justement, dans le morceau « Sign and Signifies » de J.D. McPherson, en fait, tu as un jeu de batterie, de percussion qui est plutôt léger, quoi. Enfin, oui. Au sens où tu m'as... Enfin, voilà, tu soulignes plus que tu ne rythmes de façon très présente, quoi. C'est pas une question de remplissage, en fait. Ça nous oblige à créer des ambiances, en fait. On essaie de trouver dans chaque morceau, de les arranger, même si c'est des arrangements parfois à la marge, mais on essaie de les investir un peu différemment. D'accord. Voilà. Et Ronan, alors, quelquefois, c'est toi qui es le lead, quelquefois, c'est Fred. Comment est-ce que vous choisissez ça ? Selon l'inspiration, c'est parce que c'est vous qui avez apporté le morceau ou... Non, pas nécessairement. Alors après, ça dépend si... On en parle avec Fred. Fred, souvent, il me dit « Ouais, prends-le ». Et puis, je lui dis « Oui, mais moi, si je prends un solo, je perds la rythmique, donc je perds le rôle de basse, entre guillemets. Donc, prends-le plutôt, et puis on s'arrange comme ça. » C'est pas forcément celui qui a trouvé le morceau qui veut absolument son... C'est pas lié au morceau proprement dit. Non, vraiment pas, parce qu'il y a des morceaux que Fred prend, que j'adore jouer aussi en lead, et vice-versa. Donc, non, il n'y a pas de... Et peut-être que vous êtes amené à changer ça, d'ailleurs, d'une fois sur l'autre, non ? Bon, de toute façon, c'est comme on est mauvais tous les deux, on n'a pas d'ego, donc finalement, c'est pas grave. On se dit, non, toi, non, qui fera le plus mal ? Donc voilà, qui fera le moins mauvais ? Ben, Christophe, voilà. Pas de basse et pas d'ego. Non, ça fait pas beaucoup. De là, on déduire que l'ego des groupes, c'est le bassiste. Ben, voilà, exactement. Y a-t-il un bassiste dans la salle ? Non, mais c'est une formule qui est assez, finalement, originale, parce que généralement, on trouve ça quand il y a l'orgue derrière qui joue, peut-être, qui oui. fait la basse, à la fois, souvent, mais pas souvent en trio. C'est assez rare quand il n'y a que deux guitares. Hein. Oui, et puis on essaye de faire revivre modestement, hein, mais des manières de jouer aussi de ces gars-là, quoi. Andoc Taylor, dont... Tous les trois, je crois qu'on aime beaucoup ce qu'il faisait, par exemple, mais c'est pas le seul. Après, des morceaux comme celui des Kokomo Kings qu'on avait enregistré aussi, qui tourne bien sans basse. Enfin, on essaye d'avoir des trucs un peu. Oui, qu'on va entendre un peu plus tard. Qu'on va entendre un peu plus tard, mais il y en a bien d'autres, et même des Elmore James qu'on a pu jouer ou des choses comme ça. Et c'est aussi le fait de faire revivre ou de faire découvrir qu'un groupe, ça peut tourner sans bassiste aussi, quoi. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de slides aussi, de bottleneck ouais. sur des morceaux de. Que justement de Andoc Taylor ou d'autres, ça glisse pas mal quand même sur le manche, donc ça donne du volume. Oui, aussi, ça donne du volume, ça donne un peu, ça peut aussi donner un peu d'agressivité parfois, enfin oui. d'agressivité ou de niaque. Oui, musical, bien sûr. Et Fred et moi, on aime beaucoup le slide tous les deux, et puis les grands joueurs de bottleneck, donc on se fait plaisir aussi à ce niveau-là. Quoi. Est-ce qu'il y a des projets ? À part des concerts, bien sûr, mais il n'y a pas. Bon, tout à l'heure, Fred disait non, pas de disque, rien. On est là de passage. Il y a une salle de main à faire, c'est ça. comme l'a dit Fred, justement, on est plutôt en train de structurer les répertoires actuellement. Et puis, progressivement, on est tous les trois dans plusieurs formations. Et donc, pour l'instant, notre ambition, c'est de jouer dans les endroits qu'on fréquente déjà dans d'autres occasions. Et puis, il me semble qu'on n'a pas non plus totalement fini de structurer le répertoire, puisque en fait, l'ambition de départ n'est pas forcément que de s'imprégner d'un répertoire qui est plutôt orienté blues, mais de tirer vers des choses plus aussi country, même folk, et d'avoir un panel assez large, et d'aborder les choses plutôt comme des chansons. Donc on a encore un peu de travail. Un peu, alors pourquoi pas, on peut, j'ai envie de dire, pourquoi pas pour l'instant. Justement, parce que tout à l'heure, Fred, dès que j'ai prononcé le mot country, ses cheveux se sont hérissés. Ouais, tous, sont tous hérissés. Bon, on a pu les compter. Qu'est-ce que tu appelles, toi, country ? Quand tu dis on aimerait qu'on créer des morceaux aussi dans j'ai pas dit forcément créer dans un premier temps. Je pense qu'il y a pas mal de... On va reprendre des morceaux de Johnny Cash, par exemple, c'est sûr. On va voir si on les arrange un peu à notre façon. Et puis on va essayer de faire évoluer le répertoire de cette manière-là. C'est pas, on sera pas de toute façon un style dans un répertoire bien défini, je pense pas. Des concerts en vue, peut-être, au mois de mars ? Mars, avril, est-ce qu'il y a des grands projets ? Eh bien, pour le moment, non. Fred est sur le coup, là. On fait appel au programmateur. Oui, on fait appel au programmateur, exactement. Ah. Si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas, on est là. Mais non, il faut qu'on... démarcher, c'est aussi un boulot. Et puis, oui, comment ça se passe, d'ailleurs ? Eh bien, pour le moment, voilà, il faut qu'on se mette d'accord. Selon Fred et de Saint-Nazaire, nous, on est à Nantes avec Cyril. Donc, nous, c'est plutôt le secteur où on va aller... comment récolter les dates, et puis Fred, sur la côte, il est bien là-bas. Et puis surtout de faire avec les lieux qu'on connaît déjà, comme disait Cyril. Ok, les derniers morceaux que vous allez jouer, donc il y a ce morceau de Kokomo Kings, Wrongdoing Woman. Le premier morceau que nous allons entendre, c'est I Got Loaded. Donc de Peppermint Harris, je ne connais pas, je ne sais pas si... Eh bien, tu devrais, c'est un fameux chanteur-guitariste des années 50, et ça, c'est son meilleur titre. C'est des choses qui s'écoutent avec plaisir. Ah, tu vois, c'est pas sûr, pas sûr qu'on le reconnaisse. Pas, oui. En tout cas, on vous redonne la parole, le micro et les instruments. Les Low Kings, Fred Le Baron à la guitare et au chant, Ronan Le Huludu à la guitare, Cyril Durand à la batterie. Love whiskey. I feel alright. I feel alright. I feel alright. I feel alright. Merci beaucoup. Salut à tous. Vous êtes sur Prune de Blues, le goût du blues dans les oreilles. Et dans les oreilles ce soir, dans Prune de Blues Live, nous recevions le groupe The Low Kings. Merci à Hurricane Music pour son accueil. Merci aussi à la technique. Et merci aussi au public, bien sûr. Et nous donnons la parole, la musique plutôt, au groupe Low Kings pour peut-être deux morceaux enchaînés. Allez, ne soyons pas radins. The Low Kings! Vous êtes sur Prune de Blues, le goût du blues dans les oreilles. You got me? Et pour rester dans l'esprit de The Low Kings, voici l'original du morceau Sally par Handong Taylor. Come back home tonight. gonna treat you right. You don't love me, why didn't you let me know? Oh Lord, why didn't you let me know? Maybe somebody had to let you go. I call her, and I call her on the phone. I call her, and I call her on the phone. Some man, he told me she wasn't at home. I got it, and I roll up to the door. In my car, and I roll up to the door. She told me I can't use you anymore. Said it, you treat me the way you do. Oh, said it, how come you treat me the way you do? I don't love no one but you. I cry, you know, I cried all night long. I cried, you know, I cried all night long. And baby, well, you know you're doing me wrong. I tell me, what you want your man to do? Oh, city, what you want your man to do? I love you, I don't love no one but you. Give me just one more chance. Oh Lord, will you give me just one more chance? I'll prove it. Oh Lord, I'm still a man. Say it, will you come back home tonight? You. You know I'm gonna treat you right. Just one more chance. Give me just one more chance. Le mois prochain, nous recevrons Janine McCarthy dans Prune de Blues Live chez Hurricane Music. Won't you show me what you got? Starting point.